Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4 et c'est Bulle de Rêve. Notre invité est allé boire un verre d'eau. On n'a pas assez en place. Donc il faut que j'agresse un petit peu. Alors je m'inquiète un petit peu pour notre invité suivant. Je suis pas sûr qu'il vienne parce qu'il était un peu malade hier, un peu souffrant hier. Bon, si Franck Petita ne peut pas venir, on le réinvitera une autre fois, bien entendu. Voilà, Jean-Jacques Tonnier revient. On peut faire très long sur l'exposition Miseki, elle est tellement belle. Mais oui, on a des tas de choses à dire là-dessus. Alexis, tu avais une autre question peut-être, non ? La deuxième question. Tu as répondu plus ou moins. L'idée, c'était, en effet, maintenant, donc, j'aime bien cette démarche, qui est toute nouvelle, de distributeurs qui, on le sait bien, jusqu'à présent, avaient du mal avec l'animation, ils ne savaient pas trop quoi faire. Et bon, je sais que c'est un peu particulier avec Sony, mais je sais qu'ils ont eu du mal. La preuve, ils sortent maintenant Tokyo Godfathers uniquement en DVD, pas en salle. Ils ont un petit peu de mal à savoir qu'est-ce qu'on fait de ce genre de choses, de genre de films. Je trouve ça bien qu'on aille voir quelqu'un qui a une galerie d'art en disant « Bon, alors, aidez-nous, on veut essayer que ce personnage, ce film, atteigne un peu tout le monde. Aidez-nous. » C'est rare. Avant, les distributeurs disaient « Bon, nous, de toute façon, on sort ça, on le sort dans 3 salles, ça marche pas, on s'en fout. Ça sortira en vidéo, après en location. » Ça va marcher, on se fera notre argent. Et là, c'est intéressant qu'on veuille d'un seul coup les. Donc, bon, je rêve peut-être, mais je me dis, bon, maintenant qu'il y a eu ça. Alors, ça, c'est sur les Japonais. Bon, peut-être Oslo, tous les grands. Je veux dire, si on avait eu ça avec la Louse, ce genre de choses. Ah non, mais je pense. Hein, là, c'est vrai qu'on parlait en tout cas de BVI, parce que c'est vrai que c'est. Ils ont clairement mis le paquet sur un truc qui n'a aucun but commercial, quoi. Hein, même, je dirais, dans leur statut, ils n'ont pas le droit de gagner de l'argent en faisant ça. Donc ça peut pas être plus clair. Par passion, quoi. Donc c'est vrai qu'on là, on peut clairement rêver. Parce que ça ouvre la porte à faire quelque chose sur lequel on travaille avec eux depuis plus d'un an et demi. Donc c'est pas leur métier à la base, mais j'aime autant dire que tout le monde s'y est collé. Parce que c'est compliqué, parce qu'il faut gérer et tout, les équipes Moebius, les équipes des Japonais, la Monnaie de Paris. Enfin, c'est vraiment un travail colossal qui a été complètement réalisé sur la passion absolue, quoi. Là, pour se faire plaisir et sur ce parallèle qu'on évoquait, de dire, c'est vrai que quelqu'un comme Jean-François Camilleri, par exemple, qui distribue les films de Miyazaki, etc., forcément, je veux dire, je pense que c'est, en tout cas, s'il a eu le courage de les lancer comme il le fait, c'est qu'il pense vraiment que c'est des artistes, quoi. Enfin, je veux dire, donc c'est cohérent avec lui, et je veux dire, je pense que c'est vraiment bien de pouvoir tomber sur des gens comme ça qui disent, allons jusqu'au bout, quoi, montrons aux gens ce que c'est, j'espère qu'on se plantera pas, parce que c'est chaud, quoi. Et voilà, quoi. Donc c'est vrai que ça ouvre la porte, et pour l'instant, en tout cas, BVI est le seul, même si Sony a fait quelque chose, mais c'est vrai que bon, ça reste encore, je pense que c'est les seuls distributeurs à oser lancer un film japonais sur 400 ou 500 copies, quoi. J'étais un peu triste de voir le Steam Boy sur 50 copies, quoi. C'est dommage, quoi. Mais en tout cas, en effet, le rêve est accessible. Et en effet, sur les pays d'Europe, sur les productions françaises, on voit que ça bouge vraiment. Et on voit que l'évocation qu'on a de cet art ludique, en fait, est en train de quand même vraiment émerger de façon forte. Contre vents et marées, quoi. Les gens prennent conscience. Dans les making-of, on voit les croquis, les dessins. On les voit aussi un peu dans le jeu vidéo. Enfin, on voit qu'il y a vraiment plein de jeunes artistes, que ça fourmille d'idées et c'est vraiment intéressant que les gens soient un peu reconnus, quoi, et qu'on mette en valeur ce côté artistique des choses. Il me semble très important aussi que des jeunes puissent venir. Vous évoquiez des écoles, par exemple, que vous avez contactées, parce qu'après tout, ce sont les spectateurs de demain, comme on dit depuis toujours, mais l'un ou l'autre peut, en étant adulte, dire « Ah oui, moi, je me souviens, j'ai vu une exposition à la Modée, c'est magnifique, etc. » Je pense que ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Ensuite, on le fait même à la galerie. À la galerie, on a mis des tables et des chaises avec des bouquins, en fait, sur tous les artistes qu'on expose, qui sont pas à vendre, hein, qu'on consulte pour le plaisir. Et on a souvent le mercredi, enfin, des étudiants, des choses comme ça qui viennent. Ça peut être des jeunes, ça peut être des gens qui sont justement dans les arts déco et qui viennent regarder un peu, entre guillemets, les maîtres, quoi, qui viennent savourer. Et c'est vrai que je pense qu'en tout cas, à l'expo de la Monnaie de Paris, l'expo Miyazaki Moebius, là, ça suscite des vocations clairement, quoi, parce que c'est vraiment réconcilier le rêve, la féerie de l'enfance, la poésie, parce qu'il y a vraiment beaucoup de poésie dans ces deux univers artistiques, et puis plein de débouchés, parce que c'est entre ces deux personnages, ces gens-là ont travaillé sur le film d'animation, sur la bande dessinée, sur le jeu vidéo, sur le cinéma, enfin, je veux dire, on voit la palette des possibilités quand on a un crayon et quand on sait le manier et quand on a des idées, quoi. Donc ça, je pense que ça donne beaucoup d'espoir, et je pense qu'on va ressortir de là vraiment, enfin, si on a des idées en tête, ben on se dit, waouh, ça va, je veux dire, il y a des gens qui ont tracé un peu la route, donc je peux aller de l'avant, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire entre les deux artistes? Bon, est-ce qu'on peut dire quelque part que c'est pas tous les deux, ils ont amené un large public adulte à leur art, parce que c'est vrai que la bande dessinée l'a fait peut-être plus tôt, mais Moebius a joué un rôle quand même très important à ça, comme le joue aussi Miyazaki aujourd'hui. C'est vrai qu'il touche un public très large, une gamme d'âge très très large aussi. C'est des précurseurs, quoi. Mmh. C'est à l'évidence, c'est des précurseurs. Mais je pense que, je veux dire, c'est un public large, c'est pas encore un public très large, quoi, ouais. Pour moi. Moebius, à la fois pour tous les gens qui sont autour de la table, c'est certainement un des grands génies. C'est pas Astérix. Mais voilà, c'est ça, c'est pas Astérix, c'est pas Toulouse-Lautrec, quoi. Ouais. C'est mon idole depuis toujours, donc je peux me permettre de dire, pour moi, enfin, c'est vraiment le génie artiste contemporain. Plaisir à savourer effectivement ce qu'ils font, ce qu'ils fabriquent, quoi. Je pense qu'en effet, c'est dans les deux cas, c'est des précurseurs qui amènent une poésie et un lyrisme qui est absolument sidérant, avec une expression artistique qui est pas à juste titre, justement, considérée souvent comme mineure, quoi, la bande dessinée, etc. Et là, on est en train de s'apercevoir que ces gens-là sont des artistes majeurs. J'ai oublié ma question, c'est dommage. Dans l'univers des deux créateurs, vous voyez des proximités dans l'univers, dans les thèmes et tout, ouais, ça, ouais, les bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut que vous alliez voir l'expo. Moi, je vais y aller. Je suis pas encore allé. Non, justement, l'expo est conçue comme ça. C'est-à-dire que non seulement, en effet, c'est des gens qui se sont influencés mutuellement, bonnes influences, c'est-à-dire que des influences oniriques, lyriques et poétiques, mais en fait, l'expo. Au départ, dans la première grande salle, qui est avec des lustres extraordinaires, retrace leur parcours. C'est-à-dire, pour Miyazaki, c'est Nausicaa, c'est Chihiro, c'est Mononoke, etc. Pour Moebius, c'est Blueberry, c'est Arzak, c'est le Major Fatal, etc. Et au milieu, il y a une salle qui est à la rencontre, c'est-à-dire Nausicaa et Arzak, où on voit un peu les points de similitude, les trucs, entre guillemets, où vraiment il y a une très très grosse influence. Et il y a cinq autres salles qui montrent leur approche commune de l'environnement, du spirituel, des créatures, de ce qui vole. Et à chaque fois, il y a des gens qui vont dire, il y a des trucs fabuleux. Il y a un croquis de Moebius pour le cinquième élan, parce qu'il a aussi travaillé sur le cinquième élan pour une recherche de vaisseau qui ressemble presque au château ambulant. C'est hallucinant. Or, bien sûr, ils ne sont pas pompés, mais on voit que c'est une influence lyrique, une magie, qui converge, justement. C'est vraiment, alors c'est un des choses les plus spectaculaires à voir dans l'exposition, puisque l'expo est en parallèle. Donc, on voit les dessins de l'un et les dessins de l'autre. Évidemment, il y en a un qui travaille à Tokyo, l'autre à Paris, et en même temps, quand on les expose à côté, c'est pas le même trait, mais il y a la même poésie, le même lyrisme, le même désir de protection de l'environnement, de la nature, du spirituel, de la quête mystique. En même temps, un monde très imaginaire, c'est vraiment pas des cinéastes du quotidien. Non, c'est de la poésie pure, quoi. C'est vraiment, on prend une immense dose de poésie, quoi. Mais le parcours et la convergence, quoi, est évidente et permanente, quoi. C'est le sentiment aussi, Alexis, l'exposition. Tout à fait. Alors, ce qui est extraordinaire, je dois le dire avec cette exposition, c'est, je pourrais peut-être pas le dire à la radio devant tout le monde, mais j'avoue que Moebius, j'avais un tout petit peu de mal avant. Je l'avoue. Ça reste un énorme artiste. Ce qui est extraordinaire avec cette exposition, et c'est là où il fallait que je le dise, c'est qu'en fait, on en ressort. J'arrivais en me disant, bon, je vais voir Miyazaki, je sais que ça va me plaire. J'adore Miyazaki et je savais que j'allais avoir des choses. Qu'est-ce que je vais trouver avec Moebius? Et on en ressort. Amoureux de Moebius, vraiment. Donc je pense qu'en plus, l'inverse doit être possible aussi. Parce qu'on n'aime pas trop Miyazaki, ou en tout cas, on ne connaît pas bien, et on en ressort amoureux de Miyazaki, parce que c'est des choses extraordinaires. Il réussit en effet cet exploit à rendre quelque chose du cinquième élément beau. Ce qui me paraissait invraisemblable. Et pourtant, si, il y a des choses de Willow, il y a des essais que Moebius fait pour les arcades, les jeux vidéo en arcade. Au début, je ne comprenais pas, je me disais, qu'est-ce que c'est un jeu? Non, c'est vraiment les gens en eux-mêmes, c'est la salle entière, c'est invraisemblable. Et alors, Miyazaki, on reste, moi, je suis un peu difficile pour ça, parce que je reste pendant un quart d'heure, et on peut rester, il y a des croquis de Totoro, il y a des choses qu'on n'a jamais vues, et qui sont absolument invraisemblables. Et d'ailleurs, juste une question par rapport à ça, c'est comment on fait, on sait bien que Miyazaki a du mal, comment on lui fait sortir tout ça du Japon, et on lui dit, on va mettre votre nom en grand, et vous allez et en faire... En plus, il vient. Et en plus, il vient. On ne voit pas beaucoup la presse, mais il vient. Vous l'avez drogué, soudoyé... Non, ça a été... Alors, ça a été ça n'était pas super facile. D'un autre côté, c'est vrai que quand on parlait de cet amour mutuel qu'ils ont l'un pour l'autre, même s'ils ne se sont pas beaucoup parlé, c'est vrai que le fait, cette idée Miyazaki Moebius les a séduits tous les deux, quoi. Donc, mais il est vrai que Miyazaki n'a jamais exposé au monde à ce jour sous son nom. C'est la première mondiale. Même le musée s'appelle le musée Ghibli. Enfin, c'est la première fois qu'il a accepté qu'on montre, et on montre en plus, en effet, à l'exposition, beaucoup de ces dessins, en effet, les crayonnés, les dessins de recherche, que alors là, très peu de monde ont vu. Enfin, même quand on est allé au musée, j'ai vu justement faire la sélection de dessins, son fils n'avait pas tout vu, enfin, ils ont sorti des archives, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a une confiance établie, on reparlait de BVI, mais le distributeur qui a eu le courage de lancer les films, forcément, il y a un affectif qui s'est fait aussi entre Miyazaki et lui, parce que mais ils l'ont sorti des frontières du Japon, etc. Ils savent que Miyazaki, ben, maintenant en France, c'est devenu quelque chose. Donc quand on lui dit on voudrait faire ça, on a son oreille, pour le moins on a son oreille. Quand on lui dit après on voudrait le faire avec Moebius, là il se dit ah ouais, c'est carrément et voilà, et c'est vrai que de fil en aiguille, en prenant le temps d'expliquer, en venant leur montrer ce qu'on veut faire, en montrant les parallèles entre les dessins, etc., ben, l'idée de l'exposition les séduit. Il a été très heureux. J'ai eu la chance de leur faire visiter à tous les deux en même temps. C'était un grand privilège. L'exposition, donc j'appréhendais énormément, parce que quand même, Monsieur Miyazaki et Monsieur Moebius ensemble, ils ont fait visiter salle par salle. Ouais, je voyais qu'ils étaient vraiment ravis, quoi. Ils découvraient chacun les dessins de l'autre. Ils n'avaient pas tout vu. Ils connaissaient pas tout. Miyazaki, en effet, était fasciné par certains traits. Il y a des dessins de Willow, des recherches de Willow où Moebius dessine la mer avec quelques traits. Miyazaki était très impressionné. Enfin, c'était en permanence des renvois, des échanges comme ça. Et je crois que c'est l'idée qui les a séduits. Miyazaki bouge plus beaucoup. C'est un peu retiré de la vie publique. Et pour cette exposition, il est venu vraiment spécialement, quoi. Donc c'était un immense honneur. Juste, ce qui est très intéressant dans la conception de l'exposition et la mise en scène, c'est que donc c'est une espèce de cercle, enfin, c'est circulaire. Et à l'intérieur, il y a un artiste. Et à l'extérieur, il y a l'autre artiste. Donc en fait, c'est assez fascinant parce qu'à la fois, en effet, c'est convergent, c'est évident qu'il y a des choses qui sont... Et à la fois, vous pouvez découvrir et vous faire plaisir avec chacun des deux artistes sans non plus trop se parasiter en se disant « Bon, oh, qu'est-ce que là, il y a comme convergence avec ça ?» Donc ça, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire se faire plaisir avec chacun des deux et de temps en temps en se disant « Ah, est-ce que ça, j'ai pas vu ça ?»« Ah ben oui, tiens, c'est intéressant. » Et ça, c'est quelque chose de fascinant. Et cette mise en scène, cette conception, est vraiment relève ça et vaut... C'est pour ça qu'il faut vraiment aller la voir. Ça, merci de l'avoir souligné, parce qu'en effet, le truc, c'est pas non plus de dire, oh, regardez, sur dessin, il ressemble à l'autre, on va le mettre à côté, etc., etc. C'est vrai que c'est, on voyage dans deux univers complètement lyriques, et qu'en effet, on a fait une scénographie où les dessins sont proches l'un de l'autre, mais on découvre, en effet, l'univers, par exemple, de la nature et de la terre nourricière de Moebius, et autour, quand on refait le tour cette espèce de petit jardin qu'on a fait, et on découvre tous les dessins de Miyazaki, et on voit les parallèles, on voit le même univers, on voit la poésie qui traverse les continents, mais en effet, on s'est pas amusé à mettre l'un dessin à côté de l'autre, cela, ça devenait vraiment didactique et ça n'avait pas de sens, quoi. C'est simplement une influence qui est fascinante parce qu'elle traverse les continents, quoi. Et ça, on s'en aperçoit. Et je pense que ça fonctionne bien. Merci de le dire, parce que ça me touche, parce qu'on a beaucoup bossé là-dessus. Une influence ou une proximité Voilà, bien sûr, c'est une proximité d'état d'esprit, de grands créateurs qui, sans se voir, ils ont dû se voir 3 fois en 20 ans pour se dire « j'aime bien ce que vous faites », mais qui regardaient et qui adorent. C'est vraiment fondamental chez eux, c'est essentiel. On parlait de Jodorowsky tout à l'heure. Jodorowsky fut l'un, évidemment, des premiers avoir aussi, je crois que c'est Jodorowsky qui a amené des cassettes en japonais non sous-titrées à Moebius, qui a découvert ça, et alors ça a été l'illumination extrême, quoi. Il me disait, on comprenait pas vraiment le scénario, parce qu'en japonais non sous-titré c'était pas facile, mais c'était des chocs monstrueux. Donc voilà, et tout ça se sent à travers cette expo, absolument. Il y a juste un, mais c'est une frustration normale. vous avez dans une petite vitrine, en effet, le storyboard complet de Dune. Ouais. Et on en voit 4 pages, et ce qui est normal, c'est un tel trésor, et en plus dessus il y a marqué storyboard complet 400 pages je crois, donc on se dit mais il y a 396 pages que je peux pas voir et qui manquent et qu'on a envie de voir, et ça c'est à la fois, c'est un moment d'émotion, à la fois on arrive devant, c'est un projet qui était exceptionnel d'une, je veux dire c'était vraiment, en plus après ce qu'on s'en a fait Lynch, qui est pourtant un auteur que j'adore, on regrette encore plus évidemment ce film qu'aurait pu faire Jodorowsky, et c'est vrai que de voir ça, il y a quelque chose de vraiment mythique et qui est assez exceptionnel. Ça c'est non, je partage ça. Je pense qu'on va avancer là-dessus. J'ai été contacté par des gens très sérieux pour faire un documentaire complet là-dessus parce que c'est absolument mythique. Mais d'un autre côté, c'est, je crois, il y a plus de 400 pages. C'est une vieille reliure. Moebius m'a fini en disant bon, fais attention, c'est le seul exemplaire au monde. Quoi. Je me suis dit bon, et je voyais pas comment faire que de le mettre sous une vitrine en le montrant ouvert. Quoi, parce que, mais c'est vrai que déjà le voir, c'est émouvant. Au-dessus, on voit des originaux qu'il a fait sur Dune qui sont assez géniaux parce que c'est marrant de voir Leto par exemple avec le visage plus ou moins de Blueberry. Enfin, il y a des clins d'œil comme ça qui sont assez énormes. Mais c'est vrai que rien que pour ça, c'est totalement mythique. Et comme je le disais tout à l'heure, enfin, ce livre, on m'a rapporté que George Lucas avait dit, c'est en voyant Storyboard que les idées de Star Wars me sont venues, quoi. Ce livre a une influence majeure sur toute la production cinématographique de science-fiction, c'est évident. Et j'espère qu'on va la retrouver. Hein. Ouais, ben non, mais c'est vrai que je suis en pourparlers. Jean me dit, je voudrais bien le refaire et mettre des bulles dessus pour l'animer. Il y a d'autres gens qui me disent, faisons un documentaire parce que il y a Dan O'Bannon qui est un grand créateur qui a travaillé dessus. Il y a Giger, il y a Jodorowsky, il y a Moebius. On peut tous les interviewer, monter des scènes. Enfin, je pense qu'il va se passer quelque chose là-dessus parce que c'est magique. Ah, il faudrait pouvoir faire une cinétique comme ça, de tout le storyboard, évidemment, et de le montrer, parce que c'est un vrai bonheur de le voir. Ça rentre dans... Enfin, et puis c'est drôle, parce que, pour tout dire, c'est dans la dernière pièce, on dirait que c'est fait exprès, c'est dans la dernière pièce, tout au bout. Mmh. C'est la dernière petite vitrine, où on se dit, bon, allez, on a fini, on est déjà lessivé, parce qu'on vient de passer 2 heures à regarder chaque dessin pendant 15 ans. Oh, mais c'est pas possible, on arrive là, et là, on découvre ce trésor, juste à la fin, et bon, c'est une espèce d'apothéose absolument extraordinaire. Et juste, par rapport encore à l'exposition, alors je sais qu'on est quelques-uns, on est très peu. C'est un vrai plaisir de voir cette exposition, d'autant plus qu'on est quelques-uns à aimer moyennement le dernier Miyazaki, le Château ambulant. Et ça donne, ça fait renouer le plaisir qu'on a avec cet artiste, qui est évidemment un génie, vraiment. C'est difficile toujours d'employer ces mots, mais Miyazaki en est un, c'est évident. Et cette exposition, il faut aller la voir aussi. Après votre Château ambulant, voir si vous avez aimé encore mieux. Et puis si jamais vous êtes un petit peu déçu comme certains du Château ambulant, bah vous vous précipitez vite à la Monnaie de Paris et vous prenez un bon air. Ils sont très peu, hein, les déçus du Château ambulant. on est quelques-uns. J'en connais au moins deux. Oui, on est quelques-uns. Annie Mélande a fait une critique un petit peu légère. Et les gens qui ont travaillé avec Miyazaki aussi sont un petit peu déçus. Bon. C'est difficile de convaincre des gens qui ont vu beaucoup de films par rapport à ceux qui les découvrent. Tout à fait, ils n'ont rien vu auparavant. C'est pour cela. Alors, il y a forcément dans l'œuvre d'un artiste quelques répétitions. Et nous, alors, on dira, mais ça se trouve dans ce film, dans telle scène, etc. C'est exactement ce concept, absolument. Voilà. C'est exactement ce concept. Mais on en parlait d'ailleurs. Et c'est vrai que j'ai adoré. C'est aux limites d'être vraiment mon préféré. Je le dis sans aucun faillotisme. Mais c'est vrai que, il y a vraiment une vraie différence entre des experts qui sont sur Miyazaki depuis 20 ans et qui peut-être se disent, ah ben ça, je l'avais peut-être vu un bout dans Mononoke ou je sais pas quoi, sans qu'il y ait aucune redite. Et puis des gens qui vont découvrir, qui ont vu potentiellement Chihiro, point barre à la limite, et là ils vont en prendre, c'est énorme quoi. Et je dirais, alors souvent il lui est même reproché d'être un peu plus grand public que les autres, je sais pas trop en quoi d'ailleurs. Non, ça c'est vraiment pas c'est ça. Non, ça c'est mais pas je trouve problème. Par contre que graphiquement il est pour moi, alors c'est un choc énorme. On parlait de Lynch tout à l'heure, enfin je trouve qu'il y a du Lynch dedans, je trouve que le château est très proche, et ça c'est rare de ce que peut faire Terry Gilliam dans les Monty Python Flying Circus à l'époque, c'est-à-dire papier découpé, cette espèce de château brinque-ballon. Enfin, on en reparlera, il faut le découvrir. De toute façon, il faut le découvrir, bien évidemment. Tout à fait. Non, c'est énorme. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a des partis pris créatifs. Peut-être qu'il a voulu faire des hommages. Mais à un moment, alors j'ai eu la chance d'en discuter un tout petit peu avec lui. Il s'est centralisé sur le personnage de Sophie, qui est l'héroïne du film, sans s'attacher, en tout cas moins, au héros. Et certains disent... ah oui, mais là, j'aimerais bien en savoir plus sur le héros. Et Miyazaki disait, j'avais envie de parler de la fille, quoi. Alors, c'est vrai qu'on peut tout lui reprocher, mais le créateur, il fait un peu, enfin, c'est son film, et je trouve qu'il faut le prendre un peu, comme il a eu envie de le faire, et essayer de comprendre, quoi. Mais je peux comprendre qu'on ait des préférences. Enfin, pour moi, le Château ambulant, c'est le must. Ouais, très bien. J'avais une dernière question par rapport à l'expo que j'avais pas réussi à poser jusqu'alors. C'était par rapport parce qu'on évoquait les storyboards tout à l'heure, les storyboards de Miyazaki. On dit que ce sont des modèles du genre et que tous les étudiants devraient aller voir les storyboards de Miyazaki. Alors, est-ce qu'on voit un petit peu ça? Est-ce oui, que on... c'est vrai? Parce que, comme j'ai pas vu l'expo, je sais pas. En tout cas, on les voit, ouais, ils y ouais. sont. Je les trouve extraordinaires, quoi. Mais peut-être, là, tu vas pouvoir répondre, parce que t'es un expert depuis 20 ans. Non. Il y a, c'est évident que c'est magnifique. Comme je l'ai dit par rapport à l'expo, il y a rien à dire. Juste par rapport au storyboard, en effet, il y en a en partie dans l'exposition. C'est très intéressant de la manière dont on s'en fait les storyboards, parce qu'en effet, c'est la base, évidemment, de tout en animation, mais alors dans les studios Ghibli encore plus. Et ça vient de la Toho, ça vient avant de ce qui se passait. On en voit. On voit aussi, très intéressant, encore une fois, dans une vitrine, on voit deux petits livres sur les storyboards. Il faut savoir que les storyboards sont maintenant en vente au Japon, Ghibli les a mis en édition, et on peut même les trouver sur l'édition japonaise en DVD. C'est vrai que c'est fascinant, il vaut mieux les voir sur papier que sur DVD. J'ai posé la question à Takahata une fois en lui demandant qu'est-ce qu'il pensait de ça, et il m'a dit en DVD c'est juste pour faire de l'argent, parce que on panne dessus, enfin il y a des mouvements de caméra, des choses comme ça, donc finalement on voit pas ce qu'est réellement le storyboard. Par contre, évidemment, il y a des magasins spécialisés qui les font, et évidemment tous les étudiants en animation doivent se précipiter les acheter. Au Japon ou en France? Oh, en France, on peut en trouver en France. Je pense qu'à Album, il y a peut-être quelques... Ou alors, En tout cas, ça va venir maintenant avec l'expo, du coup. Ouais, je pense que ça va venir. Bon, alors, à la suite du programme, je propose qu'on fasse une petite pause musicale, et je vous propose une mazurka, version Ming de Ville, ce qui est un peu spécial. Et puis ensuite, on va donner la parole à Serge pour une chronique, et après... On donnera la parole à Louise Brissagno qui est arrivée entre-temps. On n'aura pas Franck Petita, mais c'est pas grave. On a pu parler davantage de l'exposition, c'est très bien. On retrouvera Franck Petita une autre fois.